Geôlier, ayez l'air sur Antonio. Ne me parlez pas de pitié. Voilà l'imbécile qui répétait de l'argent gratis. Geôlier, ayez l'air sur lui. Antonio, pourtant écoute-moi, bon Shylock. Shylock, je réclame mon contrat. Ne me parle pas contre mon contrat. J'ai juré que mon contrat serait acquitté. Tu m'as appelé chien, sans motif. Eh bien, puisque je suis chien, prends garde à mes crocs. Le doge me fera justice. Je t'en prie, Shylock, écoute-moi. Je réclame mon contrat, Antonio. Je ne veux pas t'entendre. Je réclame mon contrat. Ainsi, ne me parle plus. On ne fera pas de moi un de ces débonnaires à l'œil contrit qui secouent la tête, s'attendrissent, soupirent et cèdent aux instances des chrétiens. Ne me suis pas. Je ne veux pas de parole. Je ne veux que mon contrat. Shylock sort. Salarino, c'est le chien le plus inexorable qui ait jamais frayé avec les hommes. Laissons-le. Je ne le poursuivrai plus d'inutile prière. Il en veut à ma vie. Je sais sa raison. J'ai souvent sauvé de ses poursuites bien des gens qui m'ont imploré. Voilà pourquoi il me hait. Je suis sûr que le doge ne tiendra pas cet engagement pour valable. Le doge ne peut arrêter le cours de la loi, Salarino. Les garanties que les étrangers trouvent chez nous à Venise ne sauraient être suspendues sans que la justice de l'État soit compromise aux yeux des marchands de toute nation dont le commerce fait la richesse de la cité. Ainsi, advienne que pourra. Ses chagrins et ses pertes m'ont tellement exténué que c'est à peine si j'aurai une livre de chair à livrer demain à mon sanguinaire créancier. Allons, geôlier, en avant. Dieu veuille que Bassagne vienne me voir payer sa dette, et le reste m'importe peu.